des bourgeons de soie. Ce n'est pas un autre que moi. Les fleurs poussent même sous ton toit. Papa, papa, papa, papa, papa, papa. M'écris aussi que tu ris de me savoir enseveli dans les sanglots mouvants d'ici, dans les sanglots mouvants d'ici. On m'écrit que je revivrai, que je dois juste renoncer à te poursuivre, à te traquer, jamais.